concierge est couché. Je monte l'escalier à petits pas feutrés. En douce, arrivé sur le palier, je délace mes souliers et vais sur la pointe des pieds chez ma douce. Ma douce est belle, elle est charmante, et puis ceci, et puis cela est souriante. Elle a de gentils grains de beauté et un petit nez retroussé. Ma douce est belle, elle est charmante, et puis ceci, et puis cela est souriante. Elle a de gentils grains de beauté et un petit nez retroussé. Je suis seul avec Amélie, elle a renvoyé sa soubrette. Je jette un coup d'œil vers le lit en douce. Une impatience frénétique anime soudain la coquette. Son regard est peu catholique, elle blousse. Car elle est belle, elle est charmante, et puis ceci, et puis cela est souriante. Elle a de gentils grains de beauté et un petit nez retroussé. Car elle est belle, elle est charmante, et puis ceci, et puis cela est souriante. Elle a de gentils grains de beauté et un petit nez retroussé. J'aurais pas dû, venir aujourd'hui, il fallut, attendre lundi, et même plus, jusqu'à mercredi, s'il avait su, j'aurais attendu, je pouvais pas, laisser ma jolie, car on se doit, d'honorer sa mie, j'entends les pas, mais qui vient ici, ciel, mon mari me crie, Amélie, ciel, mon mari me crie, Amélie, là-haut sur le tas, en liquette, sans mes chaussettes, je trouve qu'il fait frisquette, atteindre de pareils sommets. Seule Amélie me le permet. Car elle est belle, elle est charmante, et puis ceci, et puis cela est souriante. Elle a de gentils grains de beauté et un petit nez.